yeah, yeah. C'est Arty tapping the web, yeah. End of the week, boy. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. J'ai décidé de péter un cap, péter les bacs, péter mes 10 ans de rap. Fêler les nazes dès le départ, ceux qui se disent en place. J'ai décidé de céder à la tentation, mais c'est les MC qui se disent excellés qui m'ont saoulé. Je vais m'en mêler, mêler. Wax sur homme, c'est que je débarque sur homme. Vu qu'on me remarque, surnomme moi, article le wax sérum. J'ai décidé de bouger les choses à ma manière. Donnez-moi beat, mais pour les phases et les flow phases, j'ai la matière. J'ai décidé de m'en réussir, excellemment réuni. Les ingrédients d'une vie dont le texte faux est puni. J'ai décidé d'être proche, pas prendre le banc, ta face swasher. J'ai le mic à la main gauche, tu plaisantes moi face au punisher. J'ai cramé la finisher, les wax affichent au triche. J'ai même ma place assise là où tu kifferais trop fichol. J'ai décidé d'être excellent, bien avant d'être ce mec mêlant. Le flow fluide et les textes mélancoliques et tout le reste est lent. Jusqu'aux open mic, ainsi que présent sur scène, a décidé de frapper dans d'autres failles. J'ai décidé de tuer le micro, donc décédé, je l'enterre. Et après avoir tout niqué, je crois que j'ai décidé de me taire.